Double X on the track. Oh, click. Cousine, tu peux toucher mes pectoraux. Je suis noir et puissant comme un taureau. Pour serrer ce parcours du combattant, je te mets des disquettes comme un gitan. Gros, je casse, c'est évident. T'es ma première medaille, je suis président. Ne ramène pas de verre, je bois dans le Graal. Par le pouvoir du crâne ancestral. Comme Birdman, je suis banque, ça nage. Je fais des brésiliennes comme au Maracana. Je la bibi comme un banana. Pour acheter du Dolce et Gabbana. On est paré, tout est carré. On est calé, t'es égaré. On est taré, on peut te barrer. Et se marrer, t'es effaré. Je suis nul, je suis nul. Je suis tellement nul, tellement bien. Il est tellement gnin qu'il oublie qu'il est en chien. Elle est tellement gnin que quand je lui dis bien, elle vient. Je suis gnin, je suis gnin. Je suis tellement gnin, tellement bien. Il est tellement gnin qu'il oublie qu'il est en chien. Elle est tellement gnin que quand je lui dis bien, elle vient. On est venu pour faire la teufée. On pose des meuhards, on lève les revêts. Tu sors des laits, toi sous pète-pète. Reste calme ou on te souplesse net. J'aime pas les nouvelles têtes. Les chelas ont des nouvelles vestes. Qu'est-ce qui te prend? C'est ma bleuta, c'est mes taibous. Reste qu'il trempe. J'viens de mettre une grosse rodka. Il faut arroser sa vie. On sait que c'est toi la victime. Arrête de raconter ta vie. On répare pas les clients. On achète des Ferrari. On cherche des vrais tuyaux. Pour peser comme des Qataris. J'suis nul, j'suis nul. J'suis tellement nul. Tellement bien, il est tellement gnin qu'il oublie qu'il est en chien. Elle est tellement gnin que quand je lui dis bien, elle vient. Je suis gnin, je suis gnin. Je suis tellement gnin, tellement bien. Il est tellement gnin qu'il oublie qu'il est en chien. Elle est tellement gnin que quand je lui dis bien, elle vient. Les Janjou dorment le jour, les filles bien dorment la nuit. Les bons gars taffent le jour, vrai. Les voyous taffent la nuit. Ouais. Je vais faire un petit tour histoire de soulever quelques secuits. Fais pas genre t'es sourd quand le flingue sort de son étui. Je vais commencer par l'entrée. Serre-moi une assiette de moules. Elle passe direct au dessert. Elle veut une glace à deux boules. Ouais. On a le phoebe, on a le phoebe, on a l'équerre. Toi tu oublies, toi tu oublies qu'on était terre. Tu es là. Je suis gnin, je suis tellement gnin, tellement bien, tellement bien. Il est tellement gnin qu'il oublie qu'il est en chien. Elle est tellement gnin que quand je lui dis bien, elle vient. Je suis gnin.